Nouvelle 7e, le mari cocu, battu et content. Il y eut autrefois à Paris un gentilhomme florentin que son peu de fortune avait engagé d'entrer dans le commerce et où il réussit si bien qu'il devint très riche en fort peu de temps. Il n'avait qu'un fils unique, nommé Louis. Il ne crut pas devoir en faire un négociant, mais pour qu'il n'oubliât point la noblesse de ses aïeux, il lui fit embrasser le métier des armes et lui obtint de l'emploi dans les troupes du roi de France. Peu de temps après, il lui procura une charge à la cour où il se fit estimer par la sagesse de sa conduite et par les sentiments d'honneur qu'il avait puisés dans la société des gentilshommes avec lesquels il avait été élevé. Ce jeune militaire étant donc à la cour de France, se trouvant un jour dans la compagnie de certains chevaliers nouvellement arrivés de Jérusalem où ils avaient été visiter le Saint-Sépulcre. Ces chevaliers s'entretenaient de la beauté des femmes de France, d'Angleterre et des autres pays par lesquels ils avaient passé. L'un d'eux soutint qu'il n'avait jamais rien vu de si beau et de si bien fait que la femme d'Egano de Galoussi, habitant de Boulogne, est connue sous le nom de Madame Béatrix. Ses compagnons de voyage furent tous d'accord avec lui et ne tarissaient point sur les charmes et les éloges de cette dame. Louis, qui n'avait point encore été amoureux, le devint de cette belle sur le simple récit qu'il entendait faire de ses agréments merveilleux. Elle occupa dès ce moment toutes ses pensées, et brûlant du désir de la voir et de se fixer auprès d'elle, il dit à son père qu'il voulait partir pour Jérusalem et en obtint la permission sans beaucoup de peine. Il prit congé de ses amis et alla droit à Boulogne où il prit le nom de Hannequin. Le hasard voulut qu'il vit, le lendemain de son arrivée, la dame dont il était épris. Elle était à une fenêtre et elle lui parut encore plus belle qu'il ne se l'était figuré. Son amour en redoubla de vivacité. Et dans un des transports de sa passion, il fit serment de ne sortir de Boulogne qu'il n'eût gagné son amitié et obtenu ses faveurs. Après avoir bien rêvé aux moyens qu'il devait prendre pour faire connaissance avec elle, il imagina que le meilleur était de se mettre au service de son mari si la chose était possible. Il vend ses chevaux dans cette intention, concerte avec ses gens la conduite qu'ils doivent tenir pendant son séjour dans cette ville, les exhorte sur toute chose à ne pas faire semblant de le connaître, en quelque lieu qu'il le rencontrasse. Et après avoir pris ainsi ses mesures, il s'adressa à son hôte et lui dit qu'il l'obligerait beaucoup s'il pouvait le faire entrer dans la maison de quelque seigneur. « J'ai précisément votre affaire, » lui répondit l'hôte. « Il y a dans cette ville un gentilhomme nommé Egano qui a besoin d'un domestique et qui les aime de votre taille et de votre figure. Je lui en parlerai et vous rendrai réponse. » En effet, il lui en parla, et d'après le portrait avantageux qu'il fit du jeune homme, il fut accepté et bien accueilli quand on l'eut vu et entendu. Hannequin, de son côté, ravi d'être apporté de voir plusieurs fois le jour celle qu'il adorait, servit son maître avec tant de zèle et d'affection qu'il acquit bientôt toute sa confiance. Bref, il s'en fit tellement aimer qu'il lui donna le soin de ses affaires les plus importantes. Il ne faisait rien sans son avis et le créa son intendant. Un jour que Messire Egano était allé à la chasse, et qu'Hannequin était demeuré au logis, Madame Béatrix, qui ne s'était point encore aperçue de son amour, mais qui se sentait pour lui un attachement particulier à cause des bonnes qualités qu'elle lui connaissait, lui proposa de jouer avec elle aux échecs. On sent avec quel plaisir il accepta la proposition. Notre amoureux, qui voulait lui plaire, se laissait gagner et le faisait avec tant d'adresse qu'il n'était pas aisé de s'en apercevoir. La belle en avait beaucoup de joie. Quand quelques dames du voisinage, qui étaient venues voir Madame Béatrix et qui les regardaient jouer, se furent retirées, Hannequin, continuant toujours sa partie, laissa échapper un profond soupir. « Qu'avez-vous donc ? » lui dit la dame en fixant ses regards sur lui avec intérêt. « Pourquoi soupirez-vous ainsi ? Seriez-vous fâché de ce que je vous gagne ? Hélas, madame, c'est quelque chose de bien plus intéressant que le jeu qui me fait soupirer. Je vous en prie, si vous avez quelque amitié pour moi, de me dire ce que c'est. » À ces mots prononcés d'un ton vraiment touchant, Hannequin pousse un second soupir, bien plus expressif encore que le premier, et la dame ne le priait plus fortement de s'expliquer. « Ne vous fâcherez-vous pas, madame, de savoir le sujet de mes soupirs? Ce qui me retient encore, c'est la crainte que vous n'en parliez. Soyez assuré, mon cher, que quoi que ce puisse être, je ne vous en saurai point mauvais gré, et je n'en dirai jamais rien à personne que de votre agrément. Parlez en toute sûreté. Je me hasarderai donc à vous ouvrir mon cœur, madame, à ces conditions. » Alors il lui déclara, les larmes aux yeux, qu'il était lui. Qui il était lui, conta ce qu'il avait entendu dire de sa beauté, l'amour qu'il avait conçu pour elle avant de la voir, ce que cette passion lui avait fait entreprendre, et ne lui déguisa pas le motif qu'il avait déterminé d'entrer au service de son mari. Il finit par lui demander 1000 pardons de sa témérité et par la supplier d'avoir pitié de sa tendresse, ajoutant que s'il n'était pas dans l'intention de le payer de retour, elle ne lui refusa pas du moins la grâce de le laisser dans la place qu'il occupait. Ô douceur singulière, ô bonté admirable des dames boulonnaises, que de fois vous vous êtes montré digne d'éloge en pareil cas. Vous n'aimez point les soupirs ni les larmes. Votre cœur, naturellement sensible, sait les prévenir et seconder les vœux de vos amants. Que ne puis-je vous louer dignement? Ma voix ne se lasserait jamais de chanter vos louanges. » La charmante Béatrix, qui regardait fixement Hannequin pendant qu'il parlait, persuadée de tout ce qu'il disait, ressentit une impression si vive et si forte qu'elle mêla ses soupirs avec les siens. « Mon cher ami, lui dit-elle ensuite, vous avez tout à espérer. Vous avez touché mon cœur à un point que je ne saurais vous exprimer. Oui, vous venez de vous rendre maître de ce cœur, que ni les présents, ni les soins les plus assidus des plus aimables gentilshommes n'avaient pu rendre sensible jusqu'à présent. Il est à vous, mon cher ami. Vous me paraissez digne de le posséder. Et je vous promets que la nuit prochaine ne se passera pas sans que je vous donne des preuves de l'amour que vous m'avez inspiré. Vous méritez d'être heureux après tout ce que vous avez fait pour moi. Et vous le serez. La porte de ma chambre sera ouverte vers minuit. Venez m'y trouver à cette heure-là. Vous savez à quel côté du lit je couche. Si je dors par hasard, vous n'aurez qu'à m'éveiller, et je satisferai vos désirs. Pour mieux vous persuader de la sincérité de la promesse que je vous fais, recevez ce baiser pour gage. » Là-dessus, elle se jette au cou de Hannequin. Ils s'embrassèrent amoureusement, et auraient pris sans doute de plus forts acomptes sur les plaisirs de la nuit, s'ils n'eussent craint d'être surpris par les domestiques. Ils se séparèrent ensuite pour vaquer à leurs affaires, attendant l'heure du rendez-vous avec une égale impatience. Cependant, Egano, revenu fatigué de la chasse, se hâte de souper et se couche de bonne heure pour se délasser. La belle ne tarde pas à le suivre et laisse, comme elle l'avait dit, la porte de la chambre ouverte. Hannequin s'y rend à l'heure indiquée, il entre, ferme doucement la porte, s'approche de la dame et introduit avec précaution sa main sur sa belle gorge. Béatrix, qui ne dormait pas, saisit cette main des deux siennes, la serre amicalement et se trémousse si fort qu'elle réveille son mari. « Hier au soir, lui dit-elle, je ne voulais vous parler de rien, parce que je vous trouvais tout fatigué. Mais dites-moi à présent, je vous prie, lequel de tous vos domestiques vous trouvez le plus honnête, le plus fidèle, et lequel vous aimez le plus ?»« Pourquoi cette question, ma chère amie ?» répondit Egano. « Ne sais-tu pas qu'Hannequin est celui que j'aime le plus et en qui j'ai mis toute ma confiance ? Mais pourquoi me demandes-tu cela ?» Notre amoureux, s'entendant ainsi nommé, fit plusieurs mouvements pour retirer sa main, ne doutant pas que sa maîtresse ne voulût le trahir. Mais la belle la tenait si bien qu'il ne lui put échapper. « Voici ce dont il s'agit, continua-t-elle. Je croyais comme vous que Hannequin méritait votre estime et votre confiance plus que personne, mais je suis assurée à présent du contraire. Auriez-vous imaginé qu'aujourd'hui, pendant que vous étiez à la chasse, il ait eu l'audace de me parler de galanterie, de me dire qu'il m'aimait et de me faire des propositions? Rien n'est plus certain. » Et pour vous en convaincre, par vos propres yeux, j'ai fait d'entrer dans ses vues, et je lui ai donné rendez-vous au jardin, sous le pin, où il doit se trouver vers 1 heure après minuit. Vous sentez bien que mon intention n'est pas d'aller l'y rejoindre, mais si vous voulez faire une bonne œuvre et vous convaincre de la perfidie de votre intendant, prenez une de mes jupes et une de mes coiffes et allez l'attendre. Je suis sûr qu'il ne manquera pas de vous aller joindre. Il est trop important pour moi de me détromper, dit le mari, pour que je laisse échapper cette occasion. J'y vais tout de suite. » Et cherchant à tâtons une jupe et une coiffe, il les ajusta le mieux qu'il put et s'en alla au jardin où il attendit Hannequin sous l'arbre désigné pour le rendez-vous. À peine fut-il hors de la chambre que sa femme se leva et courut fermer la porte. Dieu sait si Hannequin, qui avait pensé mourir de peur et fait 1000 vains efforts pour s'échapper des mains de sa maîtresse, qu'il soupçonnait de perfidie, dut être ravi d'un pareil dénouement. Béatrix s'étant remise au lit, l'amant se déshabille sans autre cérémonie et se couche auprès d'elle avec une joie qui ne peut s'exprimer. Après avoir goûté des plaisirs que l'amour seul peut apprécier, la belle, jugeant qu'il était temps que son amant dénichât, « Lève-toi, mon ami !» lui dit-elle, « Prends un bâton et va-t'en vite au jardin. » Là, fais semblant de ne m'avoir sollicité que pour m'éprouver. D'aussi loin que tu verras mon mari, tu lui diras mille injures, comme si c'était à moi-même, et tu le frotteras de la bonne manière. Tu sens combien le tour sera plaisant. » Hannequin se lève et va au jardin, armé d'un bâton de cotteret. Et Gano, qui s'impatientait de l'attendre, charmé de le voir arriver, se lève comme pour le recevoir avec amitié. « Femme perfide !» s'écrie Hannequin en s'approchant. « Je n'aurais jamais cru que vous eussiez poussé si loin l'ingratitude envers votre honnête homme de mari. Vous êtes-vous figuré que je serais assez lâche pour lui manquer moi-même à ce point? Désabusez-vous, mon intention n'était que de vous éprouver. » Après ces mots, il lève le bâton et lui en applique un bon coup sur les épaules. Et Gano, le cœur plein de joie et de l'honnêteté de son intendant, lui pardonna volontiers de l'avoir frappé. Mais comme il ne voulait point s'exposer à un second coup, il prit la fuite sans mot dire. Hannequin le poursuit en le frappant et en lui criant « Puisse le ciel te punir de ta lâcheté. Crains que j'en instruise mon maître. Si je ne l'en informe point, ce ne sera pas par égard pour moi, qui n'en mérite aucun, mais pour lui épargner un tel chagrin. » Et Gano, de retour dans sa chambre, fut questionné par sa femme pour savoir si Hannequin s'était trouvé au prétendu rendez-vous. « Plût à Dieu, dit-il, qu'il n'y fût point venu. Car croyant avoir affaire à toi, il n'est point d'injure qu'il ne médite, et m'a sanglé tant de coups de bâton que j'en ai les épaules brisées. J'étais bien étonné que ce brave jeune homme t'eût fait de pareilles propositions dans le dessein de me manquer. J'imagine que comme il te voit enjoué et libre avec tout le monde, il a voulu éprouver ta vertu. Je souhaiterais pourtant qu'il s'en fût tenu au reproche. Et moi aussi, répondit la femme, et je dois bénir le ciel de ce que j'ai évité ces coups. Je n'en aurais sans doute pas été quitte à si bon marché que vous. Mais puisqu'il est si honnête et si fidèle, il est juste de le considérer et d'avoir des égards pour lui. Assurément, reprit le mari, jamais homme ne l'a mieux mérité. Depuis cette aventure, Egano crut avoir et la femme la plus vertueuse et l'intendant le plus affectionné qu'il fût possible de trouver. Béatrix et son amoureux rirent plus d'une fois de cette scène singulière. L'aveugle prévention du mari les mit dans le cas de se voir en toute liberté, et ils en profitèrent pour multiplier leurs jouissances tout le temps qu'Hannequin demeura à Florence, d'où il ne partit que pour aller à Jérusalem.